Production orale. Après l'effort, le réconfort. Justifier un choix. Exercice 1. 1. Alors voilà, j'ai fait des recherches pour notre week-end à la campagne. J'ai trouvé un gîte sympa à louer du vendredi 6 au dimanche 8 avril, à côté d'un village qui s'appelle Argenton-sur-Creuse. On peut y aller en train. L'aller-retour coûte 70 euros par personne. La location de la maison coûte 200 euros pour le week-end. Ça fait donc 50 euros par personne. Deux. J'ai fait ce choix car ce qui est bien, c'est que ce n'est pas trop loin. C'est à moins de 3 heures de train de Paris. Alors, on peut partir vendredi soir après le travail et rentrer dimanche soir. Et comme c'est la campagne, ce n'est pas très cher, puisque la maison ne coûte que 50 euros par personne pour le week-end.